grandir sur le macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dam, dam, dam, dam. J'aime sans état dam, dam. On en est trop, mais c'est la vie qui nous dam, dam, dam. C'est pas la rue qui m'a éduqué. Je connais les ruses, la vie rude. J'ai joué à la roulette russe et elle m'a dupé. Du mal à lutter, du plomb dans le cartable. À chaque fois que tu te fais insulter, ça se finit par une cartane. C'est pour les petits qui cascadent entre les briques. Pendant que les grands jouent à cache-cache entre les brinks, on se brise. Le sort nous empêche de rayonner. Besoin de bise pour rêver, besoin de bif pour éveillonner. J'essaie de raisonner les petits frères, leur dire que la haine est quotidienne et qu'on finit jamais par s'y faire. On est si fiers mais sans rancune. La plupart des gens n'accepteraient pas le quart de tout ce qu'on endure. La vie est une aventure, on est des héros, alléluia. Comme dit psychiatre, on est des héros de la luna. Malgré les outrages, donne de la force aux membres de ton entourage, car il en faut du courage. Grandir sur le macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dam, dam, dam, dam. Jeune sans état, dam, dam. On a les crocs, mais c'est la vie qui nous dam, dam, dam, dam. Grandir sur le macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dam, dam, dam, dam. Jeune sans état, dam, dam. On a les crocs, mais c'est la vie qui nous dam, dam, dam. Depuis que l'innocence a quitté les gosses, les petites veulent briller avec du gloss, les petits veulent tirer avec un glock. Élevé à la loi du bloc, par ici, v'là la jeunesse qui s'exprime sur les blocs ou par les graffitis. Géographique et l'histoire de notre périple. Vu que les bâtiments sous terre vont au-delà du périph. Nous on refuse le péril pour nos gamins et nos gamines. L'espoir n'est jamais mort quand on réanime. Grandir sur le macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dam, dam, dam, dam. J'aime sans état dam, dam. On a les crocs mais c'est la vie qui nous dam, dam, dam, dam. Grandir sur le macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dam, dam, dam, dam. J'aime sans état dam, dam. Mamadou, Karim, Kesha, Ousmane et Inès. Pour ceux qui naissent loin des paves et des paillettes, ils veulent pas nous connaître car on n'est pas de la même planète. Pourtant le monde est une palette de couleurs et de cultures, mais ils nous jugent sur le paraître et ma douleur est dans mon écriture. Mauvaise attitude, mauvaise habitude. Petit retient que les lascars titubent sur ce sale bitume. Faire des études, rendre fier la daronne. On veut lui rapporter des thunes mais on a souvent que des belles paroles. On a été des gosses terribles, peu importe où ça nous mène. Je sais qu'on deviendra de bons parents. Macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dam, dam, dam, dam. Jeune sans état, dam, dam. On a les crocs mais c'est la vie qui nous dam, dam, dam, dam. Grandir sur le macadam, dam. Et vivre comme des pions sur un jeu de dam, dam, dam, dam. Jeune sans état, dam, dam. On a les crocs mais c'est la vie.